D'aventure en aventure. En juillet, les soirées sont longues. Faustine n'a aucune envie de rentrer s'enfermer chez elle tout de suite après le travail. Elle remonte la route de Cannes jusqu'aux casernes, où se trouve le supermarché Casino. Elle erre entre les rayons à la recherche de friandises quelconques. Ne trouvant rien qui vaille la dépense, elle se rabat sur le rayon électroménager. Elle aime décorer son studio, planter des clous, installer des accessoires, même inutiles. Ce vendredi soir, elle passe un moment avec ses voisins d'à côté. Si Magali, la petite quarantaine, est employée dans l'usine de Madeleine juste en face, José, lui, est maraîcher. Il cultive ses parcelles toute la semaine, vendant ses produits au marché le samedi matin. Cette fois, Faustine aide à réduire les bouquets de persil et de ciboulette. Les tomates sont emballées, chacune séparément, les avocats aussi. José propose même des olives niçoises maison. Pendant la soirée, Magali suggère à sa jeune voisine qu'elle les accompagne le lendemain matin au marché Fourville. Faustine accepte avec plaisir, ça lui fera une nouvelle expérience. Elle se couchera tôt afin d'être en forme pour en profiter au maximum. À 4h30, José tape à la porte. « C'est l'heure, allez, debout, paresseuse !»« J'arrive !» Le temps de charger la vieille amie 6, de se coincer à l'intérieur et en avant la compagnie. 2 heures plus tard, le stand est installé, bien situé parmi les autres. Le soleil n'est pas levé encore, il ne fait pas trop chaud de si bonne heure. À tour de rôle, les comparses s'éclipsent, multipliant les cafés au bistrot d'en face. Les acheteurs débarquent à partir de 7 heures. Parfois, ils sont là tous en même temps. À d'autres périodes, c'est le calme plat. Faustine aime bien jouer à la vendeuse. Ça lui rappelle son expérience de serveuse baloise avec en prime l'accent chantant, les interpellations typiques, les parfums de thym, de romarin, de lavande et la mer qu'on devine 2 rues plus loin. Faustine se sent bien dans cette Provence des gens simples. Et tant pis si la mentalité n'y est pas toujours géniale. Avec elle, tous ont été gentils. À la fin du marché, on remballe et on remonte à Grasse. Elle mange un quignon avec Magali et José, puis tout le monde se sépare à l'heure de l'incontournable sieste. Ce matin, ils ont guillotiné Christian Ranucci. La France entière polémique. Coupable? Non coupable? Il avait 2 ans de plus que Faustine. C'est rare qu'on exécute quelqu'un d'aussi jeune. La peine de mort est une nouvelle fois remise en question. Faustine s'interroge. Ces lectures de Raymond Moody et Elisabeth Kubler-Ross, qui présentent la mort comme une libération attrayante, lui feraient dire « Bah, ça en fait une histoire pour un vénard qui est passé de l'autre côté plus vite que prévu. » Après tout, aujourd'hui encore, il y a eu 242 000 morts. Selon le gouvernement chinois, 3 fois plus selon d'autres sources, dans l'effondrement d'une mine de charbon en Chine. Et presque personne n'en parle. Enfin, par solidarité pour la famille de Christian, elle tempère son jugement. Surtout si le jeune homme est vraiment innocent. Au bilan, ce qu'elle admet difficilement, c'est que l'homme se prenne pour Dieu et tue de sang-froid. Une petite voix susurre à sa conscience. « Oui, mais Christian Ranucci a détruit des vies. Prouve-le. Et puis la loi du talion, c'est l'Ancien Testament. C'est démodé, non? Depuis qu'un certain Jésus est venu nous parler d'amour. » Faustine boucle sa petite radio et descend saluer Mireille et Frédéric, ses voisins du dessous. Ceux-là attendent leur premier enfant, tout en suivant avec passion la construction de leur maison. Ils y sont fourrés tous les week-ends, travaillant d'arrache-pied afin d'avoir fini pour la naissance du titouné. Ce mercredi, ils accueillent Faustine avec de grands sourires. Fiers comme des paons, ils lui racontent la dernière visite médicale et l'ultrason. Ils ont entendu ensemble battre le cœur de leur enfant. « Un vrai galop !» exulte Frédéric. « Un roulement de tambour !» surenchérit Mireille. Faustine les félicite et s'attendrit longuement sur la layette en préparation. Le berceau et la poussette. Il y en a partout. Heureusement que l'appartement des futurs parents est deux fois plus grand que le sien. Samedi aura lieu le bal du Lions Club de Grasse. Papa et maman, désormais intégrés, ont encouragé Faustine à les accompagner. Elle a mis son fourreau vert, la seule robe du soir qu'elle possède. Maman lui prête un châle. Le repas ayant lieu dans les jardins de la Villa Fragonard, Faustine y va à reculons. Ses expériences d'autrefois en ce qui concerne la fréquentation de la société, et en particulier des bourges, n'ont jamais été concluantes. On ne sait pas trop si elle doit se réjouir ou se préparer à vivre une soirée ennuyeuse à mourir. Heureusement, ses parents seront là. En général, l'esprit caustique de Madame Mère fait des merveilles pour pimenter une réception. Elle a bien fait de venir. Dès son arrivée, le maître de cérémonie lui saute dessus et la place à la table des jeunes. Oh, surprise, ce ne sont pas des gamins. Ils ont l'âge de Faustine, voire plus. D'emblée, la jeune femme est accaparée par son voisin de gauche, Théo, un menuisier décorateur d'intérieur. Artisan à son compte, il travaille seul, louant un atelier dans la vieille ville. Faustine ne sait même pas ce qu'elle a mangé ce soir, tant son compagnon est captivant. Il danse jusqu'à la fermeture et rit comme des tordus parce que pour le tango, les hauts talons sur l'herbe, ce n'est pas vraiment génial. Plus tard, quand les parents se rentrent, Faustine et Théo décident de pousser jusqu'à la mer. Un bain de minuit, ça te dirait? Chiche! À 2 heures du matin, il n'y a pas un chat à plage de la Salisse à Antibes. Théo gare sa voiture sur le trottoir, sort de son coffre une couverture, des coussins et une bouteille d'eau. Ça ne peut pas nous faire du mal. Si, ça rouille! Attends, je ferme la voiture et j'arrive. Ainsi soit-il, sauf que la clé est restée à l'intérieur. Merde! Quel con! Mais quel con! Pour le coup, plus personne ne rigole. Faustine n'ose moufter. Théo réfléchit par onomatopée. Toutes les ouvertures, y compris les volets de ventilation, sont bouclées. Pas la moindre petite fente à exploiter. Et d'ailleurs, pas de porte-manteau métallique à l'horizon non plus pour servir de crochet de fortune. 2 heures plus tard, les deux larrons sont toujours désarmés devant un véhicule inviolé. Théo a bien trouvé un énorme caillou pointu qui éventuellement ferait l'affaire pour casser la vitre. Mais il hésite encore à bousiller son précieux carrosse. Finalement, il se décide. Après tout, foutu pour fichu, on ne va pas finir la nuit ici. Il faudra encore une bonne demi-heure à coups redoublés pour qu'enfin le verre incassable cède. Eh ben voilà, suffisait d'être persuasif. Heureusement, l'alcool a dédramatisé la situation sans aller jusqu'à leur couper l'appétit. Faustine propose. Je mangerai bien un morceau. Allez, c'est moi qui invite. Ça te consolera un peu. Tu connais quelqu'un qui est encore ouvert le dimanche à 6 heures du matin? À moins que tu veuilles te baigner d'abord. Ah non, pas de bain, j'ai eu ma dose de suée. Mais un bon plat de pâtes ne se refuse pas. Je connais un troquet ouvert toute la nuit dans le vieil Antibes. Et les deux comparses de petit déjeuner aux spaghettis bolognaises et chianti à l'aube d'un jour nouveau. De retour à Grasse, Théo dépose Faustine chez elle avant d'aller confier sa voiture au garage. La jeune femme retrouve son lit avec gratitude.